Ceux-là seuls jouissent du repos qui se consacre à l'étude de la sagesse. Seuls ils vivent, car non seulement ils mettent à profit leur existence, mais ils y ajoutent celle de toutes les générations. Toutes les années qui ont précédé leur naissance leur sont acquises. À moins d'être tout à fait ingrats, nous ne pouvons nier que les illustres fondateurs de ces opinions sublimes ne soient nés pour nous et ne nous aient préparé la vie. Ces admirables connaissances qu'ils ont tirées des ténèbres et mises au grand jour, c'est grâce à leurs travaux que nous y sommes initiés. Aucun siècle ne nous est interdit. Tous noirs sont ouverts. Et si la grandeur de notre esprit nous porte à sortir des entraves de la faiblesse humaine, grand est l'espace de temps que nous pouvons parcourir. Je puis discuter avec Socrate, douter avec Carnéade, jouir du repos avec Épicure. Avec les stoïciens, vaincre la nature humaine. Avec les cyniques, dépasser sa portée. Enfin, marcher d'un pas égal avec la nature elle-même, être contemporain de tous les siècles. Pourquoi de cet intervalle de temps si court, si incertain, ne m'élancerais-je pas vers ces espaces immenses, éternels, qui me mettraient en communauté avec le meilleur des hommes? Les insensés, qui sans cesse en démarche pour rendre de vains devoirs, tourmentant pour eux et pour les autres, se seront livrés tout à leur aise à leur manie, auront été frappés pour chaque jour à toutes les portes, n'auront passé outre devant aucune de celles qu'ils auront trouvées ouvertes, et auront colporté dans toutes les maisons leurs hommages intéressés. Combien de personnes auront-ils pu voir dans cette ville immense et agitée de tant de passions diverses? Combien de grands, dont le sommeil, les débauches ou la dureté, les auront éconduits? Combien, après les ennuis d'une longue attente, leur échapperont en feignant une affaire pressante? Combien d'autres, évitant de paraître dans le vestibule rempli de clients, s'échapperont par quelque issue secrète, comme s'il n'était pas plus dur de tromper que de refuser sa porte? Combien, à moitié endormis et la tête encore lourde des excès de la veille, entr'ouvriront à peine les lèvres pour balbutier, avec un bâillement dédaigneux, gueux, le nom mille fois annoncé de ces infortunés qui ont hâté leur réveil pour attendre celui des autres. Ceux-là, nous pouvons le dire, s'attachent à leur véritable devoir, qui tous les jours ont, avec les Zénons, les Pythagores, les Démocrites, les Aristotes, les Théophrastes et les autres précepteurs de la morale et de la science, des relations intimes et familières. Aucun de ces sages qui n'ait le loisir de les recevoir, aucun qui ne renvoie ceux qui sont venus à lui, plus heureux et plus affectionnés à sa personne. Aucun qui souffre que vous sortiez d'auprès de lui les mains vides. Nuit et jour, leur accès est ouvert à tous les mortels.